Allez, on fait le point sur l'amphithéâtre romain de Catane. Imaginez un peu, un colosse de l'époque romaine, presque aussi grand que le Colisée, mais qui aujourd'hui est en grande partie caché sous le centre-ville animé de Catane, en Sicile. Premièrement, c'est un géant, mais un géant enseveli. Pour vous donner une idée, c'était le deuxième plus grand amphithéâtre de toute l'Italie, juste après celui de Rome. Il pouvait accueillir 15 000 spectateurs assis et presque le double avec les places debout. Mais voilà, la grande majorité de la structure est aujourd'hui sous terre, sous la Piazza Stesicoro et les bâtiments autour. Deuxièmement, et c'est là que ça devient fascinant, il a servi de carrière pour la ville. Oui, après son abandon au 5e siècle, le roi ostrogoth Théodoric a tout simplement permis aux habitants de l'utiliser comme carrière. Et plus tard, au 11e siècle, c'est le roi normand Roger II qui a réutilisé ces pierres pour construire la cathédrale de Catane. Donc en gros, le monument a littéralement servi à bâtir la ville qu'il a ensuite recouvert. Et finalement, son passé était très coloré, mais son avenir est plus incertain. À l'origine, le contraste des couleurs devait être saisissant. De la pierre de lave très noire de l'Etna, des briques rouges et du marbre blanc. Mais après un terrible tremblement de terre en 1693, il a été complètement enseveli. Aujourd'hui, la structure est très fragile, elle a souffert de périodes de négligence et on la considère même menacée d'effondrement, ce qui rend sa préservation vraiment compliquée. L'amphithéâtre de Catane, c'est donc ce trésor monumental caché qui a servi de fondation à la ville même qui le dissimule aujourd'hui.